Guillermo Dante. Si on pouvait, si seulement on pouvait, ouais, si seulement on pouvait. Si je pouvais me greffer un seul sourire, sois sûr que je le ferais. Isolé, je voudrais toucher le sommet dans ma vie, trouver cette boussole pour enfin finir de bouffer le sol. Faut qu'on soit fort, faut qu'on s'en sorte. Si je pouvais réaliser tous mes putains de rêves, je quitterais en fait cette corde raide nouée à mon cou. Seules mes sons me font tenir le bon bout. Le jour où j'arrêterai de rapper, ça sera le jour où mon esprit reposera en paix. J'ai compris que c'est pas demain la veille. Dans ma tête, on sonne l'alerte. Si je pouvais, j'en serais tout le monde heureux. Mais j'ai pas assez d'euros. Si je pouvais être ce héros de mon enfance, que les gens me disent qu'ils pensent en face. Éviter de retranscrire mes belles en phrases. Mais ça, même Tom Cruise m'a dit que la mission est impossible. Si je pouvais ne pas péter un seul fusible pour un oui ou pour un non, peut-être que je serais moins con. Si je pouvais être riche, crois-tu que les problèmes disparaîtraient? Si j'étais en haut de l'affiche, est-ce que les mêmes resteraient? Frère, si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je ferais les voiles. Si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je ferais les voiles. Si je pouvais, si j'avais pu, si je savais, si j'avais su. Voilà des mots qui reviennent trop souvent. Dans ma tête c'est le déluge. Pas pourquoi je m'enfonce dans des sables mouvants. Si je pouvais, mais je ne peux pas, c'est émouvant. Avec des si, je refais ma vie avec ma nostalgie d'avant. Si je pouvais, je serais savant. Mais impossible, je l'ai compris récemment. Alors j'avance doucement. Je cherche l'honneur et le bonheur car comme tout le monde. Je veux vivre décemment, décidément. L'envie de changer me ronge obstinément. La vie n'est pas comme au cinéma. En vrai c'est pas aussi dément. Conseillé par les anges, mais attiré par le démon. Tiraillé par les regrets, cette musique te le démonte. Si je pouvais aussi, j'arrêterais ma montre. Mes soucis, j'irais à leur rencontre. Et dois-je agir à leur rencontre? Mais tout ça est impossible car ma vie n'est pas un con. C'est tout ça face et devant ma feu que je m'en rends compte. Si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je leverais les voiles. Si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je leverais les voiles. Si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je leverais les voiles. Si je pouvais, j'effacerais tous mes regrets. Je commencerais par faire le mal et le bien, j'en serais plus près. Mais pressurais sur terre et ma tête dans les étoiles. Mon existence prendrait le vent et moi je leverais les voiles. Mon existence prendrait le vent et moi je leverais les voiles. Mon existence prendrait le vent.